الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors, nous sommes arrivés aujourd'hui à la 36e leçon de cette série de doros sur l'Itqan de l'imam Suyuti, hein, le livre qui traite des sciences du Coran. Et nous sommes toujours sur la rhétorique, al-balagha. Et aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième branche de la balagha, ou si vous voulez, le deuxième champ. J'aime bien le mot champ au lieu de science, champ de la rhétorique. Il se divise en trois. Bon, il y a le champ de l'expression, c'est ce qu'on a fait précédemment, hein, haql al-bayan. Jusqu'à quel point un discours est clair, hein, la rhétorique, des figures, les figures de style, l'istiara, la métaphore, la métonymie, l'allusion, le ta'rid, le sous-entendu, la comparaison, etc. Aujourd'hui, nous allons étudier le champ de la sémantique, haql al-ma'ani, le champ de la sémantique, hein, il traite des caractéristiques, hein, des liens d'annexion entre les éléments d'une phrase ou d'un discours, d'un énoncé, et à quel point ces caractéristiques correspondent à la situation de l'interlocuteur. Donc, ilm al-ma'ani, la deuxième branche de la rhétorique. Nous allons, bon, définir ce terme-là. Bon, je vous ai déjà donné une idée, mais je vais choisir une définition qui est simple, à savoir celle donnée par l'imam, par Al-Qazwini, hein, Jalaluddin Al-Qazwini, c'est vers le 8e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire ça fait 6 siècles. Il a défini علم المعاني الذي هو تعريف أحوال اللفظ العربي الذي يطابق به مقتضى الحال ومعرفة أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال. La connaissance des états des termes arabes qui s'appliquent à ce qu'implique l'état de l'interlocuteur. L'état de l'interlocuteur, bon, la tristesse, la joie, la contestation, l'approbation, etc. Donc, on adapte les mots, on adapte les termes à l'état de l'interlocuteur. Donc, c'est très important. Parce que le balara, c'est fondamental, l'interlocuteur, le récepteur. On adapte le discours à l'état de l'interlocuteur. Il compte beaucoup, puisque le balara, il a été développé surtout dans le but d'argumenter, dans le but de convaincre. D'accord? Donc, c'est le récepteur, il est d'une importance majeure dans ilm al-balara. Et bon, l'état des termes, la connaissance d'état des termes, c'est-à-dire la structure de la proposition, les mots, comment ils sont agencés, d'accord, les rapports d'annexion, c'est ça ce qu'on va étudier, inshallah, dans le champ de la balara. La science de la signification, bon, il a pour objet surtout l'isnad, la prédication. Ilm al-ma'ani, il a pour objet l'isnad. Tous ces thèmes tournent autour de la composition de l'énoncé, de sa structure, et à quel point elle s'accorde avec la situation de l'interlocuteur. L'isnad, c'est quoi? C'est quoi l'isnad? C'est la prédication linguistique. Dans chaque énoncé, il y a ce qu'on appelle al-musnad, al-musnad, en français le prédicat, et le musnad, il est qui est le sujet ou ce qui fait office du sujet. Le musnad ilayh et le musnad. Le musnad, c'est ce avec quoi l'on informe, la chose par laquelle on juge. Le musnad ilayh, c'est ce à propos de quoi l'on informe, c'est-à-dire la chose jugée. Le grammairien, il parle du verbe, il parle du sujet, il parle du complément. Il parle de la phrase nominale, la phrase verbale. Le rhétoricien, dans le domaine de la science des significations, ilm al-ma'ani, il parle du musnad et du musnad ilayh. hein, la chose appuyée et l'appui. Donc il parle de du Moussad et du Moussad ilay, c'est la chose avec quoi l'on informe et ce à propos de quoi l'on informe. Il parle de l'antéposition, de la postposition, de la restriction, de la concision, de façon les phénomènes que nous allons étudier, inshallah. Pour vous éclaircir ce point, bon, la question du Mousnad et du Mousnad ilay. Bon, quand je dis par exemple, Zaïd apprend le Coran. Zaïd apprend le Coran. Alors, Zaïd, c'est le Mousnad ilay. Le Mousnad ilay, c'est Zaïd, le sujet. Et le Mousnad ilay, c'est-à-dire la chose jugée. Et le Mousnad, qui est la chose par laquelle on juge, c'est apprend. Zaïd apprend le Coran, la personne jugée, c'est qui? C'est Zaïd. Il est donc Mousnad ilay. Et apprendre, le verbe apprendre, c'est la chose par laquelle on a jugé. Donc, c'est le verbe, c'est le Mousnad. Et le Coran, les rhétoriciens l'appellent Qaïd, c'est-à-dire restriction. D'accord? Donc, Zaïd, Mousnad, il est apprendre, le verbe apprendre, c'est le Mousnad. C'est comme les grammairiens utilisent un langage et les rhétoriciens utilisent un autre langage. D'accord? Un autre exemple, quand je dis Muhammadur Rasulullah. Muhammad est l'envoyé d'Allah. Muhammadur Rasulullah, bon, Muhammad c'est un mubtada, hein, c'est un sujet, et Rasulullah, bon, c'est un khabar, c'est un prédicat. D'accord? C'est un prédicat. Donc Muhammad Mousnad ilay, c'est le Mousnad ilay, c'est ce à propos de quoi l'on informe, c'est-à-dire la chose jugée. Et Rasulullah, c'est le Mousnad, c'est-à-dire la chose par laquelle on juge. C'est ce avec quoi l'on informe. D'accord? Donc, dans une phrase verbale, le sujet, bon, c'est le Mousnad, il est, le verbe, c'est le Mousnad. Dans une phrase nominale, le mot composé du Mubtada et du Khabar, c'est-à-dire composé du sujet et du prédicat, bon, le sujet, le Mubtada, c'est le Mousnad, il est, et le Khabar, le prédicat, c'est le Mousnad, le khabar, le prédicat, ou l'attribut, si vous voulez, et c'est le Mousnad. Exemple, un autre exemple, « Wa kana Allahu ghafura rahima » Et si le Mousnad, il est la chose jugée, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le Mousnad, il est, c'est Allah. « Wa kana Allahu » Mousnad, il est. « Ghafura rahima » c'est le Mousnad. Afur al-Rahima, c'est-à-dire ce avec quoi l'on informe, c'est Afur al-Rahima. Inna Allah Afur al-Rahim, le Mousnad il est, c'est Allah, et Afur al-Rahim, c'est le Mousnad. Bon. Donc le Mousnad et le Mousnad il est sont les deux piliers de la phrase. Quand le rhétoricien étudie, il traite la phrase, traite l'énoncé, traite le discours, il utilise le Mousnad et le Mousnad ilay. D'accord? Et il y a un lien étroit entre le ilm al-ma'ani. C'est vrai, il est compliqué. Il est plus compliqué que les autres branches. Il est plus compliqué que ilm al-bayan, que nous avons étudié, et que ilm al-badi', les procédés esthétisants que nous étudierons, inshallah, bi-idnillah. C'est parce qu'il est très très lié, il est assez compliqué parce qu'il est très lié à la langue, à la grammaire, très lié à la grammaire. Je donne un exemple pour vous montrer comment il est lié à la grammaire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا dans sourate al-Qamar. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا nous fûmes éclater la terre en source, nous fûmes fuser la terre en source. Ça, c'est dans l'histoire de Nuh, du déluge. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ Toute l'eau se rejoignit selon un ordre prédestiné. Hein, c'est-à-dire toute l'eau de la terre et l'eau du ciel. Ça, c'est en rhétorique française. Il y a une figure de style ici, qu'on appelle oxymore. Hein, parce qu'il rapproche les deux termes que leur sens devrait éloigner, la terre est éclatée. D'accord. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. Nous fûmes fusé la terre en source. Alors, si nous faisons l'analyse syntaxique de cette phrase, bon, nous allons dire وَفَجَّرْنَا. Bon, فَجَّرْنَا, فَجَّرَا, فَجَّرْنَا, c'est un verbe au passé indéclinable. D'accord. فعل ماض مبني على السكون. Hein? Il est indéclinable, il comporte le sukun. Mabni ala sukun, l'iltiqa'ihi bina al-fa'ili. Puisque bon, fajjara, normalement le verbe fajjara, au passé, il est mabni, indéclinable, il est mabni ala al-fath. Il comporte la fatha. Mais ici, il y a le sukun parce qu'il a rencontré le pronom na, le pronom à la deuxième personne du pluriel. Wafajjarna, fi'al mad mabni ala sukun, na c'est un damir. Na, c'est un pronom, hein, pronom personnel, la deuxième personne du pluriel. Na, fi mahal raf'in fa'il, c'est un sujet, hein, c'est un sujet. Il remplace le sujet. Le sujet est normalement au nominatif marfoua. Donc on dit fi mahal raf'in fa'il à la place. Il remplace le raf'a, cette forme de flexion, le raf'a, et c'est un pluriel. Na, c'est un pluriel, c'est un sujet. فجرنا الأرض. الأرض c'est quoi? C'est un complément d'objet direct مفعول به منصوب بالفتح. Complément d'objet direct à l'accusatif. D'accord. عيونا c'est quoi? عيونا, comment on peut l'analyser? Quelle est la nature syntaxique de عيونا avec le tanwin عيونا? Est-il un adjectif? Est-il un attribut? Est-il un adjectif? Non. Parce qu'il ne nous décrit pas la terre. Uyunan, c'est source. Hein? Nous fûmes fusés la terre en source. Uyunan, source. Et donc ce n'est pas un adjectif. Il ne décrit pas la terre. Hein? Est-il un hal? Est-il un état? Parce qu'il est bon. Le hal, il est toujours mansoub. Il est à l'accusatif. Et il ne comporte pas le d'article. Alif lam. Uyunan. Bon. En apparence, il ressemble à un hal. Un état. Mais là, est-ce qu'il est vraiment? Non. Parce que le hal, l'état, il répond à la question, hein, c'est quel est l'état de la terre? Quel est l'état de la terre? L'état de la terre source? Non. Donc ce n'est pas un hal. Donc il ne répond pas à la question quel est l'état de la terre. Est-il quoi? Est-il un complément? Est-il un ou un deuxième complément, si vous voulez, comme parce que bon, il y a des verbes qui acceptent qui reçoivent de compléments, hein. Ou il a dit ja'ala al-layla libasan, il a fait de la nuit une couverture. Donc j'ai ici layla, un premier complément, et libasan, un deuxième complément. Est-il un deuxième complément, hein? Wa fajjarna al-arda 'uyunan. Non. Ce n'est pas un deuxième complément. Il n'est pas régi par le verbe fajjara, fuser ou éclater. La nature syntaxique de uyunan, c'est quoi? C'est un tamyiz. C'est ce qu'on appelle un tamyiz, un spécificatif. Qu'est-ce qu'il fait le tamyiz? Il explicite ce qui est vague au sujet de la nature d'une chose. Il est indéfini et il se place à la fin d'une phrase. Donc, au fajjarna al-arda, nous fûmes fusés la terre, bon, la phrase, bon, reste vague. Mais quand je dis uyunan, hein, nous fûmes fusés la terre, en quoi? En source. Là, tout s'éclaircit. Donc, c'est un spécificatif, c'est un tamyiz. Et les grammairiens, ils disent que le spécificatif, ce spécificatif-là, était à la base un complément d'objet direct. Un tamyiz muhawwal an maf'oulin bihi bitaqdiri fajjarna uyun al-ard. Bon, il y a un taqdir, on dit fuser la terre en source, fajjarna al-arda uyuna, mais dans l'esprit du grammairien, il remet chaque mot à sa place, il dit wa fajjarna uyuna al-ard, nous avons éclaté les sources de la terre. Parce que bon, le tamyiz, soit il remplace un complément, soit il peut remplacer un sujet. l'exemple واشتعل الرأس شيبة, la tête s'est allumée hein, en blancheur. Et là, شيبة, c'est un tamiz محول عن عن فاعل, parce que le واشتعل رأس واشتعل واشتعل الرأس شيبة. Et si on remet chaque mot à sa place, on va dire وَشْتَعَلَ شَيْبُ الرَّأْسِ, la blancheur de la tête s'est allumée. وَشْتَعَلَ شَيْبُ الرَّأْسِ. Là, j'ai وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبَ. Donc, c'est un tamiz محول عن فاعل. محول عن فاعل. Il est à la base un sujet. شَيْبُ. Là, j'ai un tamiz محول عن مفعول به. عن مفعول به. فجرنا عيون الأرض. Nous avons éclaté les sources de la terre. Mais là, si je compare les deux phrases, la phrase qui est à la base, que le grammairien prend à la base, et le verset, et la phrase qui se trouve dans le verset coranique, nous fûmes éclaté la terre en source, le sens diffère. Parce que quand je dis وفجرنا الأرض عيونا, c'est que toute la terre est devenue source, n'est-ce pas? Nous fûmes fusé la terre en source, ça veut dire que toute la terre a éclaté en source. Mais si je dis nous avons fait éclater les sources de la terre, وفجرنا عيونا الأرض, hein, la phrase sous-entendue. Alors là, c'est comme si nous avons fait jaillir seulement des sources préexistantes. Préexistantes. D'accord? Donc, nous avons fusé la terre en source. Ça, c'est plus fort. Ça donne une image plus forte. Nous avons fusé les sources de la terre, ou fait éclater, ou fait jaillir les sources de la terre. C'est comme si on a fait éclater seulement des sources déjà existantes, préexistantes, qui existent déjà sur la terre. D'accord? Donc le sens, il diffère. Ça, c'est pour vous donner, pour vous rapprocher ce sens-là, qu'il y a un lien étroit entre entre la ilm al-ma'ani, la science des significations, ou la sémantique, et la grammaire. Et la grammaire. Alors, les thèmes qui font l'objet d'études de la sémantique, ou les phénomènes, vous savez, Ilm al-Ma'ani, il répond, pour vous rapprocher davantage ce sens, le Ilm al-Ma'ani, il répond aux questions du genre, pourquoi il y a ici une forme indéfinie, pourquoi il y a ici une forme définie, pourquoi il y a concision ici, pourquoi il y a prolixité, pourquoi il y a restriction, pourquoi il y a antéposition, comment le complément a été mis avant le verbe, hein? Pourquoi ici il y a une hamza de l'interrogation au lieu de hel, hein? Pourquoi il y a antéposition, pourquoi il y a iza et non pas in, hein? Ça, j'ai fait allusion à Ilm al-Ma'ani dans mes cours, les perles d'éloquence sur explication de certains sourates du Coran. J'ai fait allusion à ça, Ilm al-Ma'ani. Mais inchallah, avec plus j'explique, plus ça va. Vous aurez une idée, parce que je reconnais que c'est un peu difficile. D'accord? Bon, les thèmes qui font l'objet de l'étude de la sémantique sont quoi? C'est le khabar, l'énoncé constatatif, l'insha, l'énoncé performatif, le défini et l'indéfini, l'omission et la mention, l'antéposition, la postposition, la concision, l'adjonction, la disjonction, la concision et la prolixité. Bon, ça, ce sont les thèmes de la science de la sémantique. D'accord? Je vais commencer par le khabar, l'énoncé constatatif, le khabar. Le khabar, ou l'information, hein, et le khabar, c'est ce qui est susceptible d'être vrai ou faux en soi. Le khabar, c'est une information. Hein? Quand je lis, la formation quand je lis la phrase, comment je vais savoir si elle est un khabar ou si elle est un insha ou une autre forme sémantique, de comment je vais le savoir, je vais voir si elle est susceptible d'être vrai ou faux. Là, je sais que c'est un khabar, c'est un énoncé constatatif. Ça, Suyuti, il y consacre le 57e chapitre de son Itqan. Nous sommes dans le troisième volume du livre de l'Itqan. Et ce thème, il est traité avec détail dans Usul al-Fiqh. C'est donc un thème qui fait l'objet d'études de la rhétorique de Usul al-Fiqh et des sciences du Coran. D'accord? Le khabar, c'est facile. Quand je dis Zayd est allé à la maison. Bon, ça c'est une information. Je peux avoir raison, comme je peux dire la vérité, comme je peux dire, comme je peux mentir. Hein? Comme je dis, je suis allé chez moi ou je suis allé à l'école hier. Je peux mentir, comme je peux avoir raison. Ça c'est une information, c'est un énoncé constatatif, c'est un khabar. Par contre, si je dis, est-ce que tu es allé à l'école? Hein? Est-ce que tu as mangé? Là, la question de savoir si j'ai raison, quoi, non, ne se pose même pas. D'accord? On peut pas dire, quelqu'un qui nous pose une question et dit, est-ce que tu vas me rendre visite demain? Je vais pas lui dire, est-ce que tu as raison ou est-ce que tu mens? Non. Le mensonge et la vérité, touche le khabar, l'énoncé, la phrase constatative. L'énoncé constatatif. D'accord? Touche l'information et non pas une autre forme, non pas d'autre forme de phrase comme la phrase interrogative ou comme le vocatif, le fait d'appeler quelqu'un, oh viens me voir ou d'autres formes de phrase. Donc le style khabar, il relève de l'éloquence, du style narratif ou du style constatatif, le khabar, il varie selon l'état de l'interlocuteur, selon qu'on s'adresse à quelqu'un de normal, prêt à recevoir n'importe quelle information, ou à quelqu'un d'hésitant, ou à un contestataire. Donc le style narratif, le style constatatif, il varie selon l'état de l'interlocuteur. Si l'interlocuteur est quelqu'un bon, de normal, n'ayant aucun préjugé, comme Khali et Dehn, comme disent les rhétoriciens, je lui lance la formation sans utiliser d'intensif. Tu dis à quelqu'un, tu dis à un croyant, j'ai un exemple, avec les exemples, Inch'Allah, vous allez comprendre. Tu dis à un croyant, Allah est pardonnant et miséricordieux. Allahu Ghafoorur Rahim. C'est une phrase simple. C'est une information. D'accord? Sans intensif. Qui renforce cette idée. Lui, il y croit sans problème. C'est une évidence pour lui. C'est ce qu'on appelle Darb al-Ibtida'i. C'est l'a priori. Les phrases a priori auxquelles on croit et qui portent une information à laquelle on croit. Simple. S'adresse à quelqu'un de croyant, dit Allah est pardonnant et miséricordieux, Allahu Ghafur Rahim, sans le moindre problème, lui, il y croit. Si maintenant l'interlocuteur hésite pour confirmer ou infirmer l'énoncé de l'information, il convient de lui présenter l'information avec un seul intensif, s'il hésite. Tu dis à quelqu'un, Allah est pardonneur et miséricordieux. Allahu Ghafur Rahim, phrase simple. Et là, tu constates qu'il hésite ou qu'il est dans, qu'il désespère, déprimé. Hein? Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, tu emploies un intensif. Tu lui dis, Inna Allah Ghafur Rahim. Au début, tu as dit, Allah est pardonnant, et pardonneur et miséricordieux. Et là, tu dis, Inna Allah, assurément. En vérité, vraiment, Allah est sûrement pardonneur et miséricordieux. Inna Allah Ghafur Rahim. Là, j'ai employé la particule inna, particule d'affirmation, un intensif. D'accord? Donc là, j'ai monté d'un cran. C'est une affirmation supplémentaire. Lorsque je m'adresse à quelqu'un d'hésitant, à quelqu'un qui désespère, à quelqu'un dont la foi est basse. D'accord? Maintenant, si l'interlocuteur conteste l'information, il la conteste en bloc, hein, on doit employer plus d'intensif. Hein? C'est ce qu'on appelle darb inkari. C'est la contestation. On s'adresse à quelqu'un qui proteste, qui conteste, qui nie. Donc, on utilise plusieurs intensifs. Je vais donner un exemple dans le Coran. Dans le Coran. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون propose leur comme exemple les habitants de la cité lorsque des émissaires vinrent à eux. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Nous leur envoyâmes, hein? Nous leur en envoyâmes deux qu'ils traitèrent d'imposteurs. Donc là, c'était une cité de mécréants, d'associateurs. Donc, ils ont traité les envoyés d'Allah d'imposteurs. Nous leur en envoyâmes deux qu'ils traitèrent d'imposteurs. Alors, nous les confortâmes d'un troisième. Et ils dirent, nous sommes envoyés vers eux, vers vous. Nous sommes envoyés vers vous. Hein? فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Les envoyés, les émissaires qui ont été missionnés par Allah subhanahu wa ta'ala, bon, ils sont allés à la cité, à ce peuple-là, ils leur ont dit, nous sommes envoyés vers vous. Nous sommes véritablement envoyés vers vous. Inna ilaykum mursalun. Il y a ici un intensif qui est inna. D'accord? Inna, c'est un intensif pour affirmer la phrase. Ils n'ont pas dit Nahnu ilaykum mursalun, nous sommes envoyés vers vous. Bien que je l'ai traduit comme ça, mais là, je vais tenir compte de l'intensif et je vais dire nous sommes véritablement envoyés vers vous. Inna ilaykum mursalun. D'accord? D'accord. Qalu, la suite des versets. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Ils leur dirent, les habitants de la cité, vous n'êtes que des êtres humains comme nous, le tout miséricordieux ne vous a rien révélé. ما أنزل الله من شيء. Vous ne dites là que du mensonge. إن أنتم إلا تكذبون. Vous ne dites là que du mensonge. D'accord? Donc ils ont démenti, ils ont traité les envoyés d'Allah d'imposteurs. Là, la phrase qui vient, قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Les envoyés dire, notre Seigneur, قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. Ils voyaient dire, notre Seigneur sait bien que nous sommes véritablement envoyés à vous. Donc la première phrase, nous sommes véritablement envoyés vers vous. Mais la deuxième, quand ils ont contesté, ils ont nié fermement, ils ont dit, vous n'êtes que des menteurs. Ils ont employé la restriction. Hein? Vous n'êtes que des menteurs. Vous ne dites que du mensonge. Les envoyés, ils ont dit, قالوا ربنا يعلم. Là, ils ont monté d'un cran, ils ont utilisé d'autres intensifs. Ils ont dit, قالوا ربنا يعلم إن إليكم مرسلون. Il y a plusieurs intensifs là, c'est le troisième degré. Hein? D'accord? On est face à des vrais contestateurs. Donc, nous avons comme intensif, ربنا يعلم. Notre Seigneur sait. Et là, notre Seigneur sait bien. Pas seulement nous sommes envoyés, mais nous sommes envoyés vers vous, mais Allah sait bien que nous sommes envoyés vers vous. Là, ils prennent Allah à témoin. Là, c'est un intensif fort. Notre Seigneur, Rabbuna ya'lamu inna ilaykum mursalun. Puis l'intensif inna, et puis le lam ajouter le préfixe, hein, le lam de mursalun. La première fois, ils ont dit ilaykum mursalun, et la deuxième, ils ont dit inna ilaykum la mursalun, avec le lam. Donc c'est un autre intensif, hein, d'accord. Donc là, j'ai deux sortes, j'ai les deux degrés, le degré talabi et le degré inkari. Le degré qui s'adresse à quelqu'un d'hésitant, avec un seul intensif, et puis j'ai le degré où les envoyés ont utilisé plusieurs intensifs parce qu'ils ont affaire à des vrais contestataires. Donc la structure de l'information, la structure du khabar, varie en fonction, parce qu'il s'agit là du khabar, voilà. On parle de l'information, on parle de l'énoncé constatatif qui est susceptible d'être vrai comme il est susceptible d'être faux, n'est-ce pas? Qui accepte les deux, d'accord? Là, ils sont venus avec les vérités, bien sûr. Ils ont dit, nous sommes envoyés par Allah vers vous. C'est une information coranique, vraie. Donc, la structure de l'information varie en fonction de la situation de l'interlocuteur. Donc, très importante comme règle. Ce que j'ai dit, c'est la règle de base. Donc, on augmente les intensifs selon l'état de l'interlocuteur. Hein? Mais la règle générale, c'est-à-dire, si cette règle-là, elle est fondée sur le sens explicite, c'est ce qu'on appelle muqtada dhahir. Mais je peux sortir de cette règle-là pour des raisons rhétoriques, puisque l'objet de la rhétorique, c'est l'adaptation, l'adéquation du discours à la situation de la personne concernée, du récepteur. Hein? Exemple simple. Allah, il dit dans le Coran, surat Ikhlas, قل هو الله احد. Ce verset, voire toute la sourate entière, il s'adresse à des associateurs, des contestataires invétérés, des mécréants durs. Et pourtant, le verset, voire la sourate, n'a pas employé plusieurs intensifs. Bon, à part هو الله احد, dit Allah, lui est Allah, Allah est un, huwa, c'est un intensif, c'est un pronom, hein, disjoint, hein. Le verset n'a pas dit Allah, qul Allahu ahad, mais il a dit qul huwa Allahu ahad, c'est pour affirmer. À part cet intensif-là, il n'y a pas d'autre intensif, hein. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, hein. Moi, j'ai le mubtada et le khabar, hein. J'ai le sujet avec le prédicat. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bon, c'est une phrase verbale, hein, négative. Il nie la progéniture. Il n'a pas engendré. Il n'est pas engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. Donc, pas d'intensif. Et pourtant, cette sourate-là s'adresse à des associateurs. Elle s'adresse à des mécréants. Et pourquoi elle s'est adressée à eux comme étant des personnes normales, hein, exemptes de fausses idées, de fausses doctrines, des personnes normales qui ne contestent pas cette vérité, hein? Ben parce que la question du tawhid, de l'unicité, est une question évidente, à laquelle la saine nature est prédisposée. Hein? Allah ahad, toute personne normale l'admet, qu'Allah est un, il est unique. Une réalité évidente. C'est comme s'il disait, ce n'est pas la peine que j'affirme avec force cette vérité. Elle est évidente. Vous êtes censé y croire sans le moindre problème. D'accord? Et là, je vous renvoie à la science du Bayan, les figures de style, et j'entends par là, je vise par là, la figure de style, hein, qui est le ta'arid. Qui est le sous-entendu. Le sous-entendu, Allah fait allusion à la stupidité de ses associateurs. C'est comme s'il leur disait, ai-je besoin de jurer ou d'affirmer avec force que je suis un, que je suis le parfait, le samad, que je n'ai besoin de personne, que tout le monde a besoin de moi. C'est ça le samad, c'est ça le ta'rif, ce que signifie le nom d'Allah et son attribut, le samad. Ai-je besoin d'affirmer que je n'ai pas engendré, que je n'ai pas été engendré, que nul n'est égal à moi, hein? Comme vous êtes stupide. Bon, avez-vous saisi la nuance, cher frère? Donc, on peut sortir de cette règle de la multiplication des intensifs face à un contestataire ou à un négateur, hein, pour une raison rhétorique, une raison d'éloquence, justement. D'accord? L'utilité du khabar, de l'information, c'est quoi? C'est d'informer hein, l'auditeur ou le récepteur. Alors ça, c'est concernant le khabar. C'est l'information, tout simplement. Alors, pour faire... nous allons passer à l'autre style. Il y a un style qui est distinct du khabar, de l'information, à savoir l'insha. Hein? C'est le style performatif, qui est l'opposé du khabar, du constatatif. Et pour faire simple, tout ce qui n'est pas khabar, tout ce qui n'est pas une information susceptible d'être vraie ou fausse, on l'appelle insha. On l'appelle insha. Hein, style oratoire, style performatif. Alors, le insha, le style performatif, il se divise en deux. Et on distingue le style insha qui consiste en une demande, le style performatif qui consiste en une demande, et le style performatif qui ne consiste pas en une demande. Alors, le style insha qui consiste en une demande, il se présente sous les aspects suivants. L'ordre, l'amr, la phrase où comporte un ordre, comme Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Ça, c'est un ordre. Quand quelqu'un demande un ordre, on ne lui dit pas ton information est vraie ou fausse. Non, il demande un ordre, c'est un insha. C'est différent du khabar. Donc l'ordre. Ça, c'est un style insha'i. D'accord? Qu'on élabore. Ce n'est pas une information, mais ça, c'est un style hein, performatif. Il y a Yohanna Sabudarba comme l'ordre. L'autre aspect, l'interdiction. La ta'koulou riba. Ne profitez pas du fruit de l'usure. Ne dévorez pas les biens issus des transactions à base d'usure. La ta'koulou riba. L'interrogation, comme Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant? L'interrogation. L'appel. Quand on appelle. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Prenez votre parure lors de chaque prière. Hein? Ya bani, l'appel, l'interpellatif. Ya ou ha ou ayya, tout ça, ça rentre dans le style insha'i. Et puis ya tamanni, le souhait. C'est espérer quelque chose d'impossible. Et on emploie toujours souvent dans le tamanni leita. Ya leitani lam attakhidh fulanan khalila. Ah, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami intime. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Dans sourate Furqan, le jour où l'injuste se mordra les mains, comme on dit au français, se mordra les doigts. Donc c'est une kinaya, c'est un majaz pour désigner qu'il regrette. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Si seulement j'avais suivi la voie de l'envoyé, si seulement je n'avais pas pris un tel qui est le mécréant, je ne l'ai pas pris pour ami intime. Donc ça, c'est tamanni, c'est un style insha, et on l'appelle ça insha. Donc le tamanni, c'est ça, c'est quand il s'agit de quelque chose qui peut se réaliser, qui ne peut pas se réaliser, quelque chose d'impossible, on parle du tamanni. Et quand il s'agit de quelque chose qui ne peut pas se réaliser, on parle de taraji. Donc ça c'est dans le style performatif, l'insha, qul hada insha, qui consiste en une demande, parce que dans toutes ces phrases là il y a une demande. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Ya ayyuhan nas a'budu rabbakum. Allah demande que les gens l'adorent. La ta'kulu riba, il leur demande hein. Une forme interrogative. Dans la forme interrogative, on demande quelque chose. L'appel, on demande. Hein? يا بني آدم يا أيها الذين آمنوا أو vous qui croyez, on demande quelque chose. Et dans le tamanni, si jamais, donc on espère quelque chose et on la demande. Ça c'est dans les, ça c'est le style insha qui consiste en une demande. Le style insha qui ne consiste pas en une demande, c'est l'éloge, le blâme, l'étonnement, l'exclamation. Ça, ce sont des styles. Ta'ajjub, uslub al-madh, uslub al-dham, l'éloge, on trouve dans le Coran, surtout sous les versets qui sont des versets d'éloge, on trouve souvent l'emploi du terme ni'ma. Quelle excellente. Ni'ma ajrul amilin. Comme elle est excellente la récompense de ceux qui œuvrent, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Imran. D'accord? Ça, c'est un style d'éloge. C'est pas une information, c'est un style d'éloge. Wa ni'ma ajrul amilin. Et le style du blâme, on l'emploie souvent, le Coran emploie bi'sa. Wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Du fait de leur impiété, ils ont été abreuvés d'amour pour le vous jusqu'au fond du cœur, dis-leur. Combien est détestable ce que vous ordonne votre foi pour autant que vous soyez croyant. Mais de quelle foi? C'est pas une foi. Là, c'est pas ça. Il dit, c'est quoi cette foi qui vous ordonne à adorer et à aimer, à adorer le vous? Surat al-Baqarah. Bi'sa, donc c'est un style de blâme. Bon, j'ai dit le madh, l'éloge, le blâme. Et ta'ajjub, l'exclamation, l'étonnement, qu'il est l'insanu ma akfara, en surat Abasa, que périsse l'homme comme il est ingrat, d'accord, comme il est quel dénégateur, surat Abasa. Donc ça c'est un style où il y a l'emploi de l'exclamation, on l'appelle uslub ta'ajjub, d'accord. Et il y a aussi, les rhétoriciens ajoutent à cela les termes de conclusion d'un acte. Bon, les contrats, les actes, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on emploie des formules, ce qu'on appelle alfa de l'uqud. On dit, je t'ai vendu, je t'ai acheté, je t'ai donné ma fille en mariage. Donc ce sont les termes qu'on emploie dans les contrats. Donc ces termes-là entrent dans ce qu'on appelle le style performatif qui ne consiste pas en une demande. D'accord? Donc ça c'est bon, après cette classification, si on veut détailler le style inshaï qui consiste en la demande, ça va être bon très long parce que bon, l'ordre, vous savez, l'ordre l'amr, il a plusieurs formes, il implique plusieurs significations, de même que les autres styles, hein, l'interdiction, l'interrogation. C'est pourquoi bon, les rhétoriciens se sont intéressés à l'insha qui consiste en la demande plus que l'autre insha qui ne consiste pas à la demande, d'accord. Donc en plus, ça c'est le sujet qui est beaucoup travaillé par les usul, les savants des usul fiqh, ils travaillent beaucoup sur ça, sur l'uslub al-insha'i, l'uslub al-insha', l'amr, qu'est-ce que ça, il consiste en quoi l'ordre, c'est quoi l'amr? L'amr à la base, c'est le fait de demander une chose en étant en position supérieure. Un talab itiyanu al-fi'l ala jihati al-isti'la', c'est ça l'amr, l'ordre. Ça suppose un écart positionnel positif en faveur du locuteur. Ça veut dire que le locuteur, il est supérieur à l'auditeur. D'accord? L'amr ne vient que quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur. C'est le directeur, le chef qui ordonne. Pour parler de amr, faut, ça vient du supérieur à l'inférieur. D'accord? Quand Allah il dit accomplissez la prière, wa aqimu salah, ça c'est un amr. Quand le serviteur s'adresse à Allah, quand c'est l'inverse, le serviteur, la créature s'adresse à Allah, il dit pardonne-moi. C'est pas un amr. Ce n'est pas un amr, c'est une invocation. D'accord? Bien que le verbe soit à l'impératif. Hein? Pardonne-moi. Et accomplissez la prière sont deux verbes à l'impératif. Mais quand ça vient d'un supérieur, ça devient, c'est un amr. Et quand ça vient, comme dans cette phrase, d'un quelqu'un d'inférieur, c'est une invocation. C'est une invocation. D'accord? Ça peut être une simple demande. Quand deux personnes sont hiérarchiquement les mêmes, on ne parle pas de Amar, mais on parle de l'timès, de prière, de demande avec douceur, mais pas un ordre. D'accord? L'ordre, ça vient, l'Amar, ça vient toujours de quelqu'un de supérieur. Alors, les différentes formes de l'ordre sont quoi? L'Amar sans le verbe à l'impératif, bien sûr. C'est assez simple, hein? Le verbe à l'impératif, aqimus salat wa atu zakat, accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. Verbe à l'impératif, ça implique le amar, l'ordre. Et le verbe aussi, le verbe au présent préfixé par le lam, c'est ce qu'on appelle le lam al-jazm. Lam. Wal yatawafu bil bayt al-atiq. Qu'ils effectuent le tawaf autour de l'antique maison. Là, je n'ai pas un verbe en impératif, j'ai un verbe mudari' yatawafu qui est préfixé par l'intensif lam, elle, c'est qui joue le rôle de jazm, le jazm. Parce que yatawafuna, donc quand le lam est venu, bon, il a enlevé le nun qui se trouve à la fin. Donc ici, je n'ai pas un verbe à l'impératif, mais j'ai, comme on dit ici, le verbe, hein, le verbe au subjonctif, si vous voulez. Au subjonctif, qu'ils effectuent le tawaf autour de l'antique maison. Waliyat-tawafu bil bayt al-atiq, sourate al-Hajj. D'accord? Il y a aussi qui introduit l'ordre, il y a aussi le nom verbal. Le nom verbal impératif. Ismu fi'l al-amr. Pas le verbe à l'impératif, mais ismu fi'l al-amr. Exemple, halumma. Qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hada. Halumma. Halumma n'est pas un verbe. Halumma est un nom, mais qui remplace un verbe à l'impératif. Halumma veut dire viens. Dit, halumma shuhada'akum. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا سنو سورة الأنعام دي venez avec vos témoins qui témoigneront que c'est Allah qui a déclaré ces choses illicites. هلم autre exemple المؤذن quand il dit حي على الصلاة حي على الصلاة حي c'est quoi? C'est un nom verbal impératif, c'est un nom mais qui joue le rôle de verbe à l'impératif, hein? Il dit accourez, haya, accourez à la prière, venez à la prière. Ou quand on dit par exemple, alaykum anfusakum, faites attention à vous-même, il n'y a pas de verbe ici. Et alaykum, alaykum c'est juste une préposition. Et il joue le rôle de, il joue le rôle d'impératif. D'accord? Il y a l'une des formes de l'impératif, il y a le nom d'action qui remplace le verbe à l'impératif. Le nom d'action et des noms d'action qui remplacent le verbe à l'impératif. Comme dans Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand Allah il dit wa bil walidayni ihsana. Donc je traduis littéralement à l'égard des deux parents de la bienfaisance. Ça c'est un ordre. J'ai pas où est le verbe, je l'ai pas. Je ne l'ai pas, je n'ai pas le verbe à l'impératif. Il n'y a pas de verbe ici, il y a le nom ihsana qui est un masdar, nom d'action qui remplace le verbe dont il dérive à l'impératif. C'est comme c'est et ce verbe-là c'est ahsinu le taqdir. Si je veux mettre en évidence les termes sous-entendus, je vais dire ahsinu ila al-walidain. Hein? Soyez bienveillants à l'égard des parents. Agissez parfaitement envers les deux parents. Mais là ici, je n'ai que à l'égard des deux parents de la bienveillance. Je n'ai pas de verbe. Mais j'ai ici, bon, le nom d'action, il remplace le verbe à l'impératif. Le amar, bien sûr, il a plusieurs significations qui peuvent le faire sortir de l'ordre, de l'imposition. Il peut faire descendre l'ordre de l'imposition à la recommandation. C'est-à-dire sans obligation. Nadb, c'est ce qu'on appelle nadb. Comme quand il dit Allah subhanahu wa lorsqu'on récite le Coran, écoutez-le. Donc écouter, c'est un ordre, mais c'est pas un ordre, une obligation. C'est un nadb. Ça veut dire qu'Allah recommande d'écouter. Et l'ordre peut aussi signifier l'ibaha, c'est-à-dire l'autorisation, la chose illicite, comme quand Allah il dit wa idha halaltum fastadu dans sourate al-Ma'ida, lorsque vous vous mettez en état de désacralisation, vous allez à la chasse, c'est-à-dire faites la chasse, chassez le gibier. Vous savez que la personne en état de sacralisation n'a pas le droit de chasser le gibier. Mais une fois qu'il se désacralise, Allah lui dit wa idha halaltum fastadu. Si vous vous mettez en état de désacralisation, je traduis littéralement fastadu, chasser le gibier. Ce verbe qui est à l'impératif n'implique pas l'ordre et l'imposition, mais il implique l'ibaha, que vous avez le droit, vous êtes libre. Si vous voulez chasser le gibier, faites-le. Ce n'est pas un impératif, ce n'est pas une obligation. Donc ça, c'est l'une des significations du Amr. Parce que l'Amr, l'ordre, ne peut pas n'implique pas nécessairement l'obligation. D'accord? Il peut signifier nadb, la recommandation, l'ibaha. Il peut signifier la menace aussi. D'accord? Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit i'malu ma shi'tum dans sourate Fussilat. Faites ce que vous voulez, agissez comme vous voulez. Mais qu'est-ce que veut dire ça? Qu'est-ce que veut dire cette phrase-là? Elle veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne la liberté absolue à l'homme de faire ce qu'il veut, hein, commettre des crimes, commettre. Non. Mais quand il dit i'malu ma shi'tum, agissez comme vous voulez, là, il le menace. Parce que la suite, il dit innahu bima ta'maluna basir. Il voit parfaitement ce que vous faites. D'accord? Donc ça, c'est un verbe à l'impératif, mais qui signifie, qui implique, hein, la menace. Bon, pareil pour les autres styles de l'insha, l'interrogation, l'interdiction, l'espoir, etc. Ils ont un sens de base et des significations qu'ils impliquent selon le contexte. D'accord? Je ne vais pas détailler de ce sujet-là qui est souvent traité par les usul fiqh. La prochaine fois, Inch'Allah, nous continuerons la suite des thèmes qui font partie du champ de la sémantique, du champ de ilm al-ma'ani. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.